Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une conspiration mortelle. S'il a toujours été un fidèle serviteur de son pays, le colonel Stauffenberg s'inquiète de voir Hitler précipiter l'Allemagne et l'Europe dans le chaos. Comprenant que le temps presse, il décide de passer à l'offensive. En 1942, il tente de convaincre plusieurs officiers supérieurs de la nécessité de renverser Hitler. Messieurs, nous pouvons sauver l'Europe d'une totale destruction. Nous devons montrer au monde que nous n'étions pas tous comme lui. C'est trop risqué. Ça ne change rien ce que nous devons faire. Alors qu'est-ce que vous proposez ? On peut servir l'Allemagne ou le Führer. Pas les deux. C'est ce genre de propos qui vous a envoyé ici, colonel. Ce que j'ai dit était bien pire encore. En servant mon pays, j'ai trahi ma conscience. Il faut trouver le moyen de réussir. C'est pour ça que vous êtes là. Il faut tuer Hitler. Je peux compter sur vous ? On peut résoudre tous les problèmes sur cette terre par un usage méthodique des explosifs. N'oubliez pas, rien ne se passe jamais comme prévu. L'opération Valkyrie a débuté. S'ils vous capturent, ils vont vous massacrer. Si j'échoue, ils s'en prendront à vous. À vous tous. Valkyrie, un film de Bryan Singer avec Tom Cruise, un DVD TF1 Vidéo.